Et donc, Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc, on est arrivé à la partie 20 dans la lecture des fatwas du livre du Cheikh Al-Fawzan, Al-Ijabat Al-Muhimma, fi Al-Mashakil Al-Mulimma. Et on est arrivé donc, on est encore dans le chapitre de Al-Jihad fi Mu'taqadi Ahlus Sunnah wal-Jama'a. Du Jihad dans la croyance de Ahlus Sunnah wal-Jama'a. Ils ont posé la question au Cheikh Al-Fawzan, Al-Su'al, Ma hiya mawani' al-Shahada? Wa hal al-Din min dhalik? Wa hal al-Dain, pardon, min dhalik? Wa ma al-Hukum idha kana al-Jihadu fardu ayn? الجواب من موانع الشهادة في سبيل الله إذا كانت نيته لغير إعلاء كلمة الله فهذا يمنع الشهادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فإذا كانت نيته لغير الله فهذا يمنع الشهادة ويحاسب حسب نيته والدين لا يمنع الشهادة ولكن يمنع مغفرة الذنوب والشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه إلا الدين فإنه لا يغفر إلا بأدائه أو مسامحة صاحبه لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة ولا بد إما أن يسمح بها أو أن تؤديها إليهم أما حقوق الله جل وعلا فهي مبنية على المسامحة والعفو من الله سبحانه وتعالى. Donc le Cheikh il explique, on lui a posé la question, quelles sont les choses qui empêchent que quelqu'un soit un martyr? Est-ce que la dette fait partie de ça? Et quel est le verdict si le djihad est obligatoire lorsqu'il devient obligatoire à chaque individu? Le cheikh, il répond, il dit, parmi les choses qui empêchent que quelqu'un soit un martyr dans le chemin d'Allah, il y a lorsque son intention n'est pas pour élever la parole d'Allah. Ça fait en sorte que quelqu'un n'est pas un martyr, ou ça empêche que quelqu'un soit un martyr. C'est-à-dire, si quelqu'un, il n'a pas la bonne intention. Et il donne l'exemple de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Moussa, il dit, celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, alors c'est lui qui combat dans le sentier d'Allah. Celui qui combat pour autre raison que ça, il n'est pas dans le sentier d'Allah. Comme par exemple, si quelqu'un il combat pour montrer qu'il est courageux, qu'il est fort, ou bien il combat pour le pays ou pour la terre, mais pas par rapport au fait que cette terre, elle est une terre de l'islam, pour protéger l'islam qui est dedans, non. Il combat juste pour la terre par rapport au fait qu'il est né là-bas et c'est son pays et il veut le défendre sur une base nationaliste seulement, pas sur une base reliée avec la croyance ou la pratique de l'islam. Donc dans ce cas-là, ce ne sera pas fisabilillah, ou bien des exemples comme ça. Le cheikh, il dit, donc si son intention n'était pas pour Allah, donc ça... Si son intention était pour autre que Allah, alors ça fait en sorte qu'il est empêché d'avoir le martyr, d'être martyr. Et il sera jugé selon son intention. Après le cheikh, il dit, en ce qui concerne la dette, si quelqu'un a une dette et qu'il meurt dans le combat ou dans la lutte pour la cause d'Allah, ça n'empêche pas qu'il soit un martyr. C'est-à-dire, si quelqu'un il est mort dans le combat, dans le djihad, il ne sera pas empêché d'être un martyr parce qu'il avait une dette. Mais qu'est-ce que ça fait, la dette? Ça fait en sorte que ça empêche d'avoir le pardon pour nos péchés. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique dans un hadith que celui qui est un martyr, Allah lui pardonne ses péchés depuis la première goutte de sang qui coule sur le sol, excepté la dette. C'est-à-dire, si quelqu'un il avait une dette, ça fait en sorte que ça empêche qu'il soit pardonné de ses péchés. Donc, il ne sera pas pardonné de ses péchés excepté s'il a payé sa dette, ou bien que la personne à qui il doit l'a excusé de cette dette. Pourquoi? Parce que la personne, il a un droit envers les créatures. Et les droits envers les créatures sont basés sur la personne envers qui tu as cette dette, ou envers qui quelqu'un a un droit sur toi, donc il doit t'excuser. Ou bien tu dois remplir ce devoir que tu as envers lui, sinon tu ne seras pas excusé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si quelqu'un a une dette envers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a un des droits qu'il doit à Allah subhanahu wa ta'ala, quand c'est entre lui et la créature, il pardonne et il excuse. Donc c'est comme si en réalité, qu'est-ce que le cheikh est en train d'expliquer, c'est que il y a une différence entre le fait d'avoir une dette envers les créatures et entre le fait d'avoir un droit envers Allah que tu dois remplir, que tu n'as pas rempli. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne pour sa créature qui a négligé ou qui a eu un manquement ou qui a fait des fautes ou un péché, il peut lui pardonner. Mais pour qu'il te pardonne par rapport à une faute que tu as entre toi et une autre créature, il faut que cette créature-là, elle, t'ait excusé. Et, ou bien que tu lui aies réparé l'erreur, ou que tu aies réparé l'erreur que tu avais envers lui. Donc ça, c'est une réponse en même temps pour les gens qui disent « Moi, j'ai une bonne relation avec Allah, mais il agit mal avec les créatures. » Non, on lui dit dans ce cas-là, peut-être que tu penses que tu as une bonne relation avec les créatures, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas te pardonner tant que les créatures te pardonnent pour le mal que tu leur as fait ou bien pour un droit qu'ils ont sur toi. Donc, tu dois, pour avoir réellement une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, régler les problèmes que tu as avec les créatures. Ensuite, on a posé la question au cheikh. As-su'al, ma hukmul jihad fi hadha zaman? Wa ayna najidhu? وهل يجوز لنا أن نقاتل تحت راية حاكم كافر أو مبتدع لأننا في هذه الأحداث أصدر لنا كثير من البينات في هذا الأمر؟ الجواب لا تقاتل تحت راية كافر لأن هذا ليس بجهاد ولا تقاتل إلا تحت راية المسلمين ومع جماعة المسلمين. Donc ils ont posé la question au cheikh, quel est le verdict au sujet de du djihad à notre époque, et où est-ce qu'on le trouve, et est-ce que c'est permis de combattre derrière la bannière d'un dirigeant mécréant ou innovateur, parce qu'on trouve dans les événements qui se passent aujourd'hui, il y en a qui nous ont envoyé beaucoup de trucs à ce sujet-là ou de différentes informations à ce sujet-là. Donc il veut savoir la réponse à ce sujet, à cette question. Et le cheikh, il a répondu, il a dit ne combat pas derrière la bannière d'un mécréant, parce que ça, ce n'est pas le djihad. Tu dois combattre uniquement derrière la bannière des musulmans et avec les musulmans, avec la jama'a des musulmans. Et il dit en bas de page, wa qad su'ila samahatu al-shaykh Abdul Aziz ibn Baz an hukm al-jihad tahta rayat imam kafir fa qala rahimahullah bi annahu ya'tham. Donc il a dit, Cheikh Ibn Baz, il a dit à propos de celui qui combat derrière la bannière d'un imam kafir, il a dit il fait un péché celui qui fait ça. As-su'al al-hadith alladhi fi al-Bukhari innama al-imam junna يقاتل من ورائه ويتقى به. هل هذا الحديث دليل على قول من يقول لا بد من راية يرفعها الإمام ويعقدها للجهاد؟ الجواب نعم، هذا نص في الموضوع أن الإمام جنة، يعني سترة للمسلمين يستترون به من عدوهم ويقاتلون من ورائه، يعني من وراء هذه الجنة. ولا شك أن قيادة المسلمين وإمام المسلمين أنه نعمة عظيمة للمسلمين، يقاتلون معه ويقودهم ويدبرهم ويرى الرأي السديد لهم ويختار لهم. فالإمام نعمة من الله، الإمام يقود الحدود، يقيم الحدود، الإمام يؤدي الحقوق إلى المظلومين، الإمام يبسطه الله به الأمن، يبسط الله به الأمن في البلاد، على البلاد، الإمام نعمة من الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, Le hadith, on lui a posé la question au Cheikh Al-Fawzan, le hadith qui est dans Sahih Al-Bukhari, qui dit que le dirigeant c'est un bouclier derrière lequel on combat et derrière lequel on se protège. Est-ce que ce hadith est une preuve pour celui qui dit que il faut absolument qu'il y ait une bannière que l'imam a élevée, hein, et que c'est lui qui doit déterminer le djihad et le combat? Et le Cheikh il répond, il dit oui. Ça c'est un texte clair et une preuve claire dans ce sujet-là. Que l'imam c'est le bouclier, c'est-à-dire c'est une barrière derrière laquelle les musulmans se couvrent contre leurs ennemis, et ils combattent derrière cette barrière, hein, ceux qui sont derrière eux, derrière ce bouclier. Ils combattent leurs ennemis derrière ce bouclier, et il n'y a pas de doute que le fait d'avoir un responsable ou un dirigeant, un guide, un dirigeant pour les musulmans, ça c'est une grande grâce pour les musulmans. Et ils combattent avec lui, et ils les dirigent, et ils gèrent ils ordonnent, ils gèrent le combat derrière, ils gèrent le combat pour eux. Et ça c'est une grande grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les musulmans. Avec son opinion qui est droite, il choisit pour eux qu'est-ce qui est le mieux. Donc l'imam c'est une ni'ma d'Allah. Et l'imam également, il établit les peines et il établit les droits envers ceux qui ont été opprimés ou on leur a fait une injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala établit la sécurité sur la terre et dans le pays grâce à ce dirigeant-là. Donc c'est une ni'ma qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici par rapport à ça, on voit que c'est très important donc qu'il y ait un ordre dans le combat ou dans n'importe quoi. Et même dans les pays non musulmans, les armées, elles vont pas partir toutes seules et elles vont pas choisir, déterminer comment elles vont procéder dans le combat ou dans la bataille. Il y a toujours un quartier général avec des chefs de l'armée et un président qui a le dernier mot, qui a la décision et qui ordonne les armées, qui les dirige. C'est pas le chaos, hein. Donc eux ils savent ça, et nous les musulmans aussi on a appris ça dans notre religion, qu'il y a une discipline, il y a un ordre, il y a une organisation. C'est pas n'importe qui comme ça qui part, des petits groupes, hein, comme ça se passe dans certains pays des fois. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans un seul même pays tu peux trouver 10 groupes, 15 groupes. Chacun, il prétend qu'il est en train d'établir le djihad, et chacun, il a une bannière avec lui, et ils font tous des attaques et des choses, rien n'est coordonné, et rien qui est en ordre. Ça, c'est le chaos, c'est le désordre, et c'est la voix des gens de bid'a et des gens d'égarement qui font ça. Et à la fin, ils réussissent jamais à faire rien de bon, à la fin, ça se retourne toujours contre eux. Et ils ne font que la détruire au lieu d'avancer. Le cheikh, on lui a posé l'autre question. Il dit يذهب بعض الشباب في هذه الأيام إلى الجهاد في مناطق متفرقة ويرون أن ذلك فرض عين وذلك بإفتاء بعض طلاب العلم لهم فهل فعلهم هذا صحيح؟ الجواب لا يجوز لهم أن يذهبوا إلا بإذن الإمام لأنهم رعية والرعية لا بد أن تطيع الإمام فإذا أذن لهم فإنه يبقى أيضا رضا الوالدين فلا يذهب إلا برضا الوالدين لأنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد فأرجعه إلى والديه فدل على أنه لا بد من إذن الوالدين بعد إذن ولي الأمر. Donc le cheikh il dit, on lui a posé la question, il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent aller, ils disent qu'ils veulent aller au djihad dans différentes régions, et ils considèrent que c'est une obligation qui est fard ayn, obligatoire à chacun, et ils se basent là-dessus sur certaines fatwas que certains étudiants leur donne. Est-ce que c'est correct qu'est-ce qu'ils font? Le cheikh Al-Fawzan il dit, ce n'est pas permis pour eux de partir sans la permission du dirigeant. Parce qu'ils sont des sujets. Et les sujets, ils doivent obéir, c'est-à-dire ils sont des sujets de ce dirigeant. Ils sont sous l'autorité de ce dirigeant. Et les sujets ou les citoyens, ils doivent obéir à leur dirigeant. Et si le dirigeant leur donne la permission de partir, il reste encore l'agrément des deux parents. Il ne peut pas partir excepté s'il a l'agrément de ses deux parents pour partir au djihad. Donc, il mentionne le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, dans lequel il dit, un homme est venu voir le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander la permission pour aller au djihad. Alors, il lui a demandé, est-ce que tes parents sont encore en vie? Il a dit, oui, mes deux parents sont encore en vie. Il a dit, alors, dans ce cas-là, fais ton djihad en t'occupant bien d'eux. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, en ce cas-là, fais ton djihad en t'occupant bien de tes deux parents. Donc, le cheikh, il dit, il l'a renvoyé vers ses deux parents. Et ça, c'est la preuve que il faut absolument avoir la permission des deux parents après avoir eu la permission du dirigeant. السؤال قام فضيلتكم بتقريض لكتاب بعنوان رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد فهل تنصح بقراءة هذا الكتاب لفضيلة الشيخ أحمد النجمي؟ الجواب نعم. الكتاب رد على بعض المنتسبين إلى العلم الذين يقولون يجب على الناس أن يذهبوا ويجاهدوا ولو لم يرضى والدوهم فالشيخ أحمد رد عليه وبين أغلاطه في هذه المسألة فهو كتاب جيد. Donc le cheikh il dit, on a posé la question au cheikh, vous avez écrit comment on dit taqrir? Taqrir, c'est une préface à un livre. Donc le cheikh Al-Fawzan il a écrit une préface à un livre, en même temps c'est une sorte de recommandation aussi, pour un livre qui s'intitule Al-Irshad ila bayani hukm al-jihad, c'est-à-dire l'orientation vers la clarification de la vérité au sujet du jihad. Et est-ce que vous conseillez les gens de lire ce livre écrit par le noble cheikh Ahmed al-Najmi? Il répond, oui, ce livre est une réfutation de certains qui prétendent avoir la science, qui disent qu'il est obligatoire aux gens de partir au djihad même si leurs parents ne sont pas satisfaits de ça. Et le cheikh Ahmed a réfuté celui-là en clarifiant son erreur à ce sujet-là. Et c'est un livre qui est très bon. Et le livre, il a été publié, c'est un livre très bon justement pour réfuter ceux qui disent que c'est pas obligatoire de demander aux parents la permission pour aller au djihad. Ensuite, il dit, فإذا كان une autre question, السؤال, إذا كان لوالدي إخوة غيري وهم ليسوا بحاجتي ولو احتاجوا شيئا فإخوتي سيقومون به بدلا مني وليس لهم مبرر في عدم ذهابي إلى الجهاد إلا خوفا من أن أقتل في سبيل الله فما الحكم في ذلك؟ الجواب الحكم أنك تطيع والدك ولو كان له 100 ولد ولو كانوا يقيمون بما يحتاج ولو كانوا يقومون بما يحتاج إليه ما دام أنه قال لك لا تذهب تجب عليك طاعته والبر به إذا كنت تريد الأجر أما إذا كنت تريد أن تركب رأيك فهذا راجع لك أنت ولكن إذا كنت تريد الأجر والثواب فأطع والدك ولا تخرج منه وهو غضبان أو أنه ما أذن لك لأن حقه بعد حق الله سبحانه وتعالى لكن بعض الناس يحتقر والده يقول والدي ما له رأي ما عنده فكر لا يعرف شيئا يحتقرون والديهم والعياذ بالله ولا يرجعون إليهم ويعتبرون أنفسهم أنهم أحسن رأيا من آبائهم وهذا لا يجوز. Donc le cheikh il répond, il dit, si mon père il a d'autres frères, il a d'autres fils, pardon, mon père il a d'autres fils, il n'a pas que moi, et il n'a pas besoin de moi, parce que si mon père a un besoin de quelque chose, mes autres frères peuvent lui donner ce qu'il a besoin, il n'a pas besoin de moi. Il ne peut pas utiliser ça comme un prétexte pour m'empêcher de partir au djihad, excepté la seule raison, c'est qu'il a peur que je sois tué dans le chemin d'Allah. Quel est le verdict à ce sujet-là? Le cheikh il dit, Al-hukmu annaka tuti'u walidaka walau kana lahu mi'at. C'est-à-dire, le verdict à ce sujet-là, c'est que tu dois obéir à ton père, même s'il avait 100 enfants, même s'il avait 100 fils, tu dois lui obéir, même si chacun d'entre eux donnait à ton père ce qu'il avait besoin. Du moment que c'est ton père et qu'il t'a dit, n'y va pas, alors c'est obligatoire pour toi d'obéir à ton père et d'être bon envers lui si tu veux la récompense. Mais si tu veux suivre ton opinion, toi, alors ça revient à toi. Mais si tu veux la récompense, alors obéis à ton père. Et ne sors pas alors qu'il est en colère contre toi. Ou bien qu'il ne t'a pas permis et tu sors. Non. Ok ? Il dit, son droit qu'il a sur toi, il vient tout de suite après le droit d'Allah. Hein? On voit dans le verset dans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, « وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » Allah, hein, ton Seigneur a ordonné que tu n'adores rien que, d'autre que lui, et que tu sois bon envers les deux parents. Donc, tout de suite après le droit d'Allah, il y a le droit de tes parents. Donc, il dit, le droit de ton père vient après le droit d'Allah. Mais il y a des gens qui méprisent leur père et qui disent mon père il n'a pas d'opinion correcte, ou il pense pas, ou il sait rien, et ils méprisent leur père, que Allah nous préserve, et ils ne retournent pas vers leur père et ils ne considèrent pas l'opinion de leur père comme étant meilleure que leur opinion à eux, et donc ils pensent que leur opinion à eux est meilleure que l'opinion de leur père, et ça, ce n'est pas permis. Le cheikh, on lui a demandé après, وَالسُّؤَالَ هَلْ يَجُوزُ الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ بِدُونِ إِذْنِ وَلِيَ الْأَمْرِ مَعَ وُجُودِ رِضَ الْوَالِدَيْنِ. Le cheikh, il répond, الجواب الجهاد مع من ومن هو الإمام الذي تريد أن تجاهد تحت رايته وأيضا الدول بينها معاهدات لا بد أن تأخذ إذن الإمام بالخروج لتلك الدولة. المسائل لها أصول، ما هي فوضى؟ فإذا أذن لك ولي الأمر وأذن لك والداك وعندك استطاعة فلا بأس. Donc le cheikh il répond, on lui a posé la question, est-ce que c'est permis de sortir pour le djihad sans la permission du dirigeant, alors que j'ai la permission ou l'agrément de mes deux parents? Le cheikh il répond, il dit, le djihad, avec qui tu vas le faire? Hein? Le cheikh il dit, c'est qui l'imam avec lequel tu veux, ou derrière la bannière de qui tu vas combattre? Et également, Il faut prendre en considération, et ça c'est un point très important que le cheikh il mentionne. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un point très important que le cheikh il mentionne ici. Il dit, les pays, ils ont des ententes entre eux et des pactes entre eux. Donc tu peux pas sortir sans la permission du dirigeant. Hein? Si toi par exemple tu es un citoyen de ce pays-là, et que entre ton pays et le pays contre lequel toi tu penses que tu vas aller faire le djihad, il y a une entente et un pacte et une trêve entre ton pays et ce pays-là, comment toi tu peux te permettre de désobéir à ton dirigeant pour aller combattre contre ce pays-là alors que ton dirigeant, il est en paix contre, avec ce pays. Donc tu n'as pas le droit d'y aller sans la permission de ce dirigeant-là. Et il dit, donc, tu ne peux pas sortir sans la permission de ton dirigeant. Et il dit, ces questions-là sont basées sur des fondements. Elles ne sont pas juste comme ça, chaotiques. Quelqu'un, il fait ce qu'il veut. Hein, il sort comme ça, selon son désir. Donc, si tu as pris la permission du dirigeant, hein, que c'est un djihad qui va être officiel, c'est-à-dire le dirigeant officiel du pays, il a déclaré la guerre ouvertement et officiellement à un autre État, et il a préparé une armée, et toi tu rentres dans cette armée, et tu dis je veux partir, et tes parents sont d'accord, et le dirigeant il est d'accord, là oui. Mais en d'autres cas, non. Hein? C'est pas comme certains qui s'imaginent. Il y en a, Allah al-Musta'an, qu'est-ce qu'il faisait? Allah Musta'an, il y avait beaucoup de désordre dans ce que les gens faisaient. Ils faisaient un faux passeport pour voyager. Après, ils arrivaient dans le pays directement. Ils passent par un autre pays pour traverser illégalement les frontières. Et puis après, ils se faufilent. Et puis, ils essaient d'arriver dans l'endroit où supposément il y a le djihad pour essayer de commencer à se joindre à un des groupes là-bas pour essayer de participer. Et à la fin, il ne fait que tomber dans, faire plus de fitna et plus de problèmes. Et les ulama, ils ont expliqué que c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Quand c'est le djihad et que c'est officiel, tu le fais pas en te cachant. Au contraire, tu le fais ouvertement et officiellement, et c'est quelque chose de bien et de bien vu. Hein? C'est pas comme ça se passe aujourd'hui chez les gens. Et pourquoi on explique ces choses-là? Et pourquoi on clarifie, on lit ces fatwas? Hein? C'est comme Cheikh Al-Fawzan, on lui a posé la question. Cheikh, il ne faut pas parler il faut pas lire les chapitres du djihad dans les livres de fiqh aujourd'hui, parce que ça incite les gens au djihad. Et le Cheikh Al-Fawzan, il a dit non, c'est pas vrai. Quand on parle du djihad, au contraire, c'est pas pour inciter les gens à faire le djihad comme les gens ils le font incorrectement aujourd'hui. C'est justement pour pouvoir réfuter les fausses idées que ces gens-là propagent. Parce que si on n'en parle pas, c'est là que les ignorants en profitent pour eux pour en parler et dire à ce sujet-là des choses qui sont contraires au Coran et contraires à la Sunna. Et puis après, les gens dévient et ils s'égarent. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre correctement. Donc, le Cheikh, il dit ensuite, on va lire une dernière fatwa, puis après on va s'arrêter. Le Cheikh, il dit, As-su'al, on lui a posé la question, ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر ومع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه وهل يكون شهيدا؟ الجواب لا يكون مجاهدا إذا عصى ولي الأمر وعصى والديه وذهب فإنه لا يكون مجاهدا بل يكون عاصيا. Donc on a posé la question, Cheikh, il y en a qui posent des questions comme ça, il y en a qui amène des choubouhats en voulant dire, ils ont posé la question, Cheikh, c'est quoi le verdict du fait de partir pour le djihad sans la permission du dirigeant? Alors qu'on sait que le mujahid, Allah va lui pardonner tous ses péchés à partir de la première goutte de sang qu'il perd. Et est-ce qu'il va être shahid s'il part sans la permission du dirigeant? Le Cheikh, il a répondu, il a dit, il ne va pas être même considéré mujahid. Il ne va même pas être considéré mujahid s'il part sans la permission du dirigeant. Parce qu'il a désobéi au dirigeant. Et il désobéit à ses parents. Donc celui qui part dans cette situation-là, il ne sera pas considéré mujahid parce qu'il a désobéi. Hein? Donc, ça veut dire que s'il meurt, il ne sera pas shahid. Et en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas calculer que si la première goutte de sang qui tombe, ça y est, il va être pardonné. Vous dites, en voulant dire, j'ai fait un péché, je suis parti sans la permission de mon dirigeant, mais si je meurs, shahid, la première goutte de sang qui tombe, ça va m'effacer ce péché-là. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas jouer comme ça avec la religion. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Puis après ce chapitre, justement, vous voyez là, on n'a pas encore fini les questions sur le djihad, mais il reste encore deux pages. Après, tout de suite après, le chapitre après, c'est quoi ? قتل المعاهدين ورجال الأمن وتفجير المباني والاغتيالات والعمليات الانتحارية. Donc, tout de suite après, le cheikh il a mis les fatwas, il répond aux questions au sujet de gens qui tuent les koufars qui sont sous un pacte, une entente, les gens qui tuent les policiers, les hommes de la sécurité, les gens qui font exploser les bâtiments, qui font des attentats terroristes et des attentats suicides. Le verdict à ce sujet-là, il répond à chacun d'entre eux ces questions-là dans les fatwa dans ce chapitre-là. Donc, on va, après avoir parlé de ça, du djihad et tout, on va répondre aussi à ces questions-là pour clarifier et pour montrer la distinction entre le vrai djihad qui est selon le Coran et la Sunna et le djihad des jeunes bid'a et des khawarij et des extrémistes qui dépassent la limite d'Allah et qui sortent du Coran et de la Sunna. Dans ces questions-là. Donc on s'arrête ici, inshallah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum, jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.